coucou. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là? Vous êtes là? Oui, eh bien bon. Si vous êtes là, on va commencer. Vous allez avoir droit dans cette émission à des chansons que vous connaissez. Ah oui, que vous connaissez, voire même très bien. Mais on va arrêter de causer. On va arrêter de causer et on va démarrer Dardard. C'est la 746e émission et c'est pour vous, pour nous et pour tutti quanti, comme on dit en italien. Allez, c'est parti! Chiquita, mais oui, en écoutant Chiquita, tout simplement, eh bien, il y en a qui ont les pieds en éventail, paraît-il. Ah, moi, c'est ce qu'on m'a dit au téléphone. Donc, voilà, chacun prend ses responsabilités. Moi, j'ai pris les miennes. Je le dis haut et fort. Il y en a qui ont les pieds en éventail. En attendant dimanche, mais on en reviendra tout à l'heure. Allez, on va continuer avec cette émission que vous écoutez avec, comment dirais-je, avec empressement? Non, pas du tout. Non, vous n'êtes pas pressé du tout. Enfin, vous n'êtes pas pressé. Vous êtes pressé pour que l'émission débute. Mais une fois qu'elle a débuté, après, c'est plus pareil. Hein. D'accord? Allez, on est parti. La, la. Toujours en chemin, hier, ici, ailleurs, demain. Elle s'envole au fil des nuages, farouche et belle, princesse du voyage. Vagabonde, elle suit son étoile, de ville en ville, de bal en bal. C'est un bel oiseau de passage, une fille au cœur sauvage qu'on ne peut pas mettre en cage. Radio, bella gitana, tu pourrais danser et te laisser vivre. Bella gitana, pourquoi n'aurais-tu pas l'envie parfois? Gitana, si tu pars, j'aimerais pouvoir te suivre. Bella gitana, c'est toi, belle et rebelle. La vie t'appelle vers d'autres ciels. Suivre. Bella gitana, c'est toi, belle et rebelle. La vie t'appelle vers d'autres ciels. Adieu, bella gitana. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Perdue au milieu des Caraïbes, se cache une petite île française avec un joli nom. Marie Galante. Les pêcheurs racontent que pendant des siècles, elle servit de prison. Et aujourd'hui encore, le vent dans les voiles nous rappelle les chansons mélancoliques des prisonniers de cette île du bout du monde. Marie Galante. Thank you. voilà, c'est Marie Galante, tout simplement. Eh bien, écoutez, on ne va pas traîner trop longtemps. Il y a un petit message personnel que l'on m'a chargé d'effectuer. Alors, je le fais avec d'autant plus plaisir que ce sont des amis hein, qui sont là, des auditeurs et aussi des auditrices très fidèles, et qui, de temps à autre, eh bien, s'envoient des petits mots, des petits messages via la radio. C'est plus gentil, déjà. Et puis voilà, ça permet aussi bien d'écouter une bonne petite chanson. Alors le message, c'est le suivant. Comment pourrais-je commencer ? On va commencer tout simplement. Mimi et Léon, que l'on connaît bien, hein, répondent à Hélène et Jean-Paul de la semaine passée. La semaine dernière, oui, un petit message que l'on a déjà fait à cette antenne. Hélène et Jean-Paul se plaignaient un petit peu que voilà que Mimi et Léon ils bougeaient pas trop, mais ça se comprend hein, quand les personnes écoutent la radio plus particulièrement cette émission et qu'ils ont les pieds en éventail, c'est difficile de bouger de son fauteuil, on va dire hein, on va dire ça comme ça. Donc pour faire court, Mireille et Léon seront bien dimanche prochain à Champfromier. Alors vous avez bien reçu le message, Hélène et Jean-Paul. Hein. Ils seront à Champfromier dimanche prochain. Alors, il faudra préparer le café et les petits gâteaux pour l'après-midi. On va passer un bon moment. En attendant, restez bien avec nous, parce que nous, on est là ce soir. C'est le titre de cette chanson, bien évidemment. Et des refrains pour ne pas

quelquefois ça passe un peu trop bien. Ça passe un peu trop bien. Eh oui, vous êtes bien sur le 91, sur le 102.5, sur GFM, la radio la plus proche de chez vous. Vous êtes à l'écoute, eh bien, tout simplement, de Rendez-vous avec vous, le mercredi, le dimanche et le lundi. Voilà, vous savez tout. Besoin d'écouter parler ton cœur. Dis-moi comme avant les mots que j'attends. Dis-moi que l'amour est bien plus fort que le temps. S'il est s'est écrit le livre de notre vie. Mais en relisant les pages, soudain j'ai froid. Car les mots qui parlaient d'amour ne sont plus là. Dis-moi, dis-moi comme avant les mots que j'attends. Dis-moi que l'amour est bien plus fort que le temps. Si les années n'ont rien changé, alors dis-moi que ce soir tout peut chanson qui nous rappelle bien des souvenirs que je vous invite à écouter. Donna Donna. Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Sa vie n'était et bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait devenir grand, rêvait d'être un homme. Chaque soir il y pensait quand sa maman le berçait. Donna, donna, donna, donna, le temps. Donna, donna, donna, donna, où tu étais un enfant. Puis il a grandi, puis il est parti, et il a découvert la vie, les amours déçus, la faim et la peur. Souvent au fond de son cœur, il revoyait son enfance, rêvait d'autrefois. Tristement, il y pensait et il se souvenait. Donna, donna, donna, donna, tu regretteras. Donna, donna, donna, donna, où tu étais un enfant. Parfois je pense à ce petit garçon, ce petit garçon que j'étais. Rappelle quelques petits souvenirs, hein, souvenirs eh bien du plancher des vaches, bien sûr, c'était l'époque yéyé avec Clo-Clo qui nous chantait ça, et nous étions Eh oui, nous étions à ce moment-là, dans les étoiles. Comme maintenant d'ailleurs. Maintenant, nous sommes dans les nuages. Bien, allez, j'ai besoin de toi, ou j'ai besoin de vous, plus particulièrement. La douceur de ton corps. Malgré la vie qui nous sépare, au long des jours de tristesse, notre amour sera le au bord du lac Léman pour une petite balade musicale. Thank you.

arrive bientôt au terme de cette première partie de l'émission, mais auparavant, hein, auparavant, belle musica et belle tyrolienne, s'il vous plaît. Souvenir me ramène à toi sous ton ciel béni. L'amour fait la loi, parfum de magie. Quand tu chantes pour moi, toutes les romances qui font rêver et qui me donnent un peu de joie. C'est bien toi, musica, qui nous console quand ça ne va pas. Viva la bella musica, le belle canzoni di amore. On deviendrait tous amoureux pour une mélodie sous un beau ciel bleu. Viva la bella musica. Questa sera sogno di te, c'est fou comme on s'aime tous les deux, car avec toi l'amour est un jeu. Toutes ces mélodies, qu'elles soient d'hier ou d'aujourd'hui, nous font rêver, font oublier tous nos petits soucis. Allez, c'est la vie, on a tous au cœur un vieux refrain, une chanson qui reviendra nous consoler à sa façon. Questa sera sogno di te, c'est fou comme on s'aime tous les deux, car avec toi l'amour est un jeu, car avec toi l'amour est un jeu, car avec toi l'amour est un jeu. Ah oui, la belle musica et la belle tyrolienne, s'il vous plaît. Sage, attend qu'arrive la nuit. Loin de ses alpages, de son chalet joli, les gars de son âge lui chantent l'amour infini. Belle tyrolienne, reine de ma vie, j'ai et je suis à toi.

Monsieur Alain Barrière pour une chanson. Et puis nous allons faire un tour du côté de nos amis Hidalgo. On va faire un petit tour du côté de l'Espagne avec ça aussi, ça va vous rappeler des choses agréables. Este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allí tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Allez, on va rester un tout petit moment, encore quelques minutes, dans ce beau pays qu'est l'Espagne, méditerranéen, et oui, nous le sommes. No queda más que tú, No quedo más que yo en este extraño salón, sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol, prometimos volver a vernos. He echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Yo te he echado de menos, yo te he echado de menos. Silencio, que mis dedos corren entre tus dedos y con un suave desliz hago que se pare el tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. La, la, la, la, la, la, la, la, la. L'été

Je me souviens comme ça se retient ces chansons-là. C'est elle les cris des filles et les pattes d'éléphant. Les fleurs sur les chemises et les cheveux dans le vent. Je me souviens qu'est-ce que c'était bien ces années-là. Je me souviens comme ça se retient ces chansons-là. C'est elle les cris des filles et les pattes d'éléphant. Les fleurs sur les chemises et les cheveux dans le vent. Eh oui, souvenirs, souvenirs. Qu'est-ce que vous faites là, les souvenirs? Vous venez nous embêter? Non, pas du tout. On vient tout simplement vous rappeler, eh bien, ces années-là. Alors, ces années-là, eh bien, il y avait aussi Hervé Villard. Qui chante en duo avec Nana Mouskouri. A donde la velo fatigada, la grande londrina que de aquí se va, ah, ah, ah. Si en el viento se hallara extraviada, buscando abrigo que no lo encontrará. Junto a mi lecho le pondré su nido en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdido, oh cielo santo. Esa mansión que me miró nacer. Vida es hoy errante y angustiada. Y ya no puedo a mi mansión volver. Ave querida, amada peregrina, mi corazón al tuyo estrecharé. Oiré tu canto, tierna golondrina, recordaré. J'ai parcouru le monde entier. Et lorsque j'entends un sifflet siffler, je sens que je dois m'en aller. N'entends-tu pas le train qui siffle? N'entends-tu pas le train qui s'en vient? Ne vois-tu pas ce train qui m'invite? Allons, serre-moi donc la main.

La danno col cuore in questo mondo che tanto amore non c'è. Il faut que je vous dise, cette femme, puisque c'est une femme, eh bien, je l'ai connue il y a quelques années en Italie, lors d'une fête de village, comme on dit en Italie. Hein. L'été, il y a toujours une fête dans n'importe quel village. Et donc, voilà, j'ai pu rencontrer cette femme. C'est l'épouse à Franco Bagutti. Eh oui, elle s'appelle Katia. Come baciar tu sai, non sa nessuno. Mentir come fai tu, nessuno sa. Mi dici dolci frasi, tenere più che mai, ma col tuo finto amor inganni questo mio cuore. Non dire più bugie, non hai rispetto per me, che cosa hai fatto mai di tutti i sogni miei? Non dire più bugie, non dire più falsità, a quei tuoi occhi blu io non ci credo più. Penso sempre a noi, ma io non so chi sei, a chi regalo amore e niente in cambio mai. Ma io rivivrei tutto da capo, sai, perché tra le tue braccia è tanto bello morire. Sensuale come sei, mi fai volare. Mi piaci quando poi mi chiami amore. Sai fare bene l'attore, nessuno è come te. Sei capriccioso, sai, ma quanto male mi fa. Non dire più bugie, non hai rispetto per me, che cosa hai fatto mai di tutti i sogni miei? Non dire più bugie, non dire più falsità, a quei tuoi occhi blu io non ci credo più. Penso sempre a noi, ma ma io rivivrei tutto da capo, sai, perché tra le tue braccia è tanto bello, sai. Non dire più bugie, non dire più falsità. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Thank you. tutti i miei pensieri. pensieri e lo sai. Oggi come domani, domani come ieri. Se tu sei il mio peccato, continuerò a peccare in questo amaro amore. Se amare te è peccato, lo faccio per amore. Io amo solo te. Eh oui, vous êtes bien sur le 91, sur le 102.5, Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, c'est le quart d'heure italien. Son depresso, non ne posso più. Ho perduto la scommessa, non ne posso più. Anche il calcio del mondiale, non ne posso più. Manda a casa lo stivale, non ne posso più. Il bel paese non sai più tu. Sta bene solo che all'auto blu. Mi converrà comprarla in Canada. Niente soldi per mangiare, non ne posso più. Ma poi tutti vanno al mare, non ne posso più. Non si trova più lavoro, non ne posso più. E diciamo tutti in coro, non ne posso più. Bon, eh bien, on continue. Ah oui, encore quelques petites minutes, et malheureusement. Storie passate ormai, quasi bambini noi, il primo bacio e poi che batti cuore, nasino all'insù, sotto quel cielo blu, quel primo bacio non lo scordo più. Più grande, ma quel primo bacio mai potrai scordare. Un'emozione che vorrei provare se potessi dirti amor, resta con me. C'est terminé, c'est terminé. On se retrouve très très bientôt sur le 91, sur le 102.5 de Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Je vous aime, je vous embrasse. Et vous les femmes, à vous les femmes, je vous embrasse. Partout, partout, partout, partout.